الحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours. Je me suis trompé, j'ai écrit le cours 51. J'ai écrit le cours 50, mais c'est le cours 51. J'avais regardé à droite et j'ai pas regardé l'autre côté. Donc on commence le cours 51. Et on était en train d'expliquer au dernier cours l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Parce qu'on est dans le chapitre à propos de la crainte du shirk, ou d'avoir peur de faire le shirk, hein, d'associer avec Allah et de faire l'idolâtrie, d'adorer d'autres que Allah. Et on a expliqué que c'est très important de comprendre le tawhid et de comprendre ce qui est contraire au tawhid, hein, à l'unicité d'Allah, dans le but d'éviter de tomber dans tout ce qui peut annuler notre foi ou détruire notre croyance et notre foi en l'unicité d'Allah. Et on a mentionné parmi les preuves à ce sujet-là, le verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Ensuite, on a mentionné comme exemple l'exemple que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans le livre à propos du dua que Ibrahim alayhi salam a fait pour lui-même et ses enfants, de l'écarter. Il dit, ô mon Seigneur, écarte-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Et les ulama ont tiré de ça que Ibrahim alayhi salam, alors que c'est un des plus grands parmi les prophètes, le père, on dit même le père des prophètes, parce que beaucoup de ses enfants par la suite, tous les prophètes qui sont venus après, en grande partie sont des descendants d'Ibrahim, c'est-à-dire Abraham. Et il a détruit lui-même les idoles avec sa main, et il a fait beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices dans sa religion. Hein, quand on lui a demandé de sacrifier son propre fils, Ismaïl, alayhi salam, eh bien, il a pas hésité à vouloir le faire, et au moment où il allait le faire, Allah lui a remplacé ce sacrifice par un mouton. Donc, tout ça, c'est des exemples qui montrent la grandeur de Ibrahim et à quel point il avait la foi. Oui. Oui. La fête de l'Aïd, la fête de l'Aïd qu'on appelle en arabe l'Aïd, c'est justement, ça c'est Aïd al-Adha, parce qu'il y a deux Aïd. Un Eid après le Ramadan et un Eid après le Hajj. Et le Eid qui est relié au Hajj, c'est une des raisons, c'est pour la mémoire d'Ibrahim alayhi salam. C'est pour ça qu'on sacrifie un mouton ce jour-là. Et donc, Ibrahim alayhi salam, malgré ça, malgré toute sa force et sa piété, et son éloignement du shirk et sa haine du shirk, et son amour du tawhid et de l'unicité d'Allah, il demandait à Allah de l'écarter, lui ainsi que ses enfants, de l'adoration des idoles. Donc ça nous montre que si lui, il avait peur de tomber dans le shirk, alors nous, on devrait avoir encore plus peur que lui, puisqu'on n'est pas des prophètes et on n'est pas à ce degré de foi que Ibrahim possédait. Ensuite, le cheikh, il explique, on avait lu au dernier cours, je pense, à propos de Al-Khulla, et que c'était un des plus hauts degrés de l'amour, et que Ibrahim, on l'appelle Al-Khalil, Ibrahim ou Al-Khalil. Et il y a deux Khalil seulement, parmi les prophètes, il y a Ibrahim et il y a Muhammad, alayhim salatu wassalam, qui sont les deux Khalil. Et c'est un degré, on a dit, Al-Khulla, c'est un degré parmi les plus grands et les plus élevés parmi les degrés de l'amour. Et donc, il était le Khalil d'Allah. Et ensuite, le cheikh, il explique et il dit, donc, que dans ce dua que Ibrahim alayhi salam a fait, hein, il y a la preuve que Ibrahim, il demandait la protection d'Allah, il demandait que Allah l'écarte du shirk. فَإِذَا كَانَ الْخَلِيلُ إِمَامُ الْحُنَفَاءِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ أُمَّةً وَحْدَهُ وَابْتَلَاهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ وإبراهيم الذي وفى وأمره بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله وقوته. Donc, il dit ici que malgré tout ça, eh bien, il avait quand même peur du shirk. Et ça veut dire que on devrait, dans ce cas-là, avoir encore plus peur de tomber dans le shirk. Hein? Puisqu'on sait que Ibrahim, il savait que personne ne pouvait le faire rester sur la guidance et l'écarter de l'idolâtrie, excepté Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa guidance et par le succès qu'il donne. Donc, si on arrive à trouver la vérité et à rester accroché à l'unicité d'Allah et au tawhid, et à s'écarter des idoles et de l'idolâtrie et du shirk, c'est pas uniquement par notre propre force ou par notre propre moyen, hein, c'est par le succès que Allah nous a donné et la guidance qu'il nous a donné. Parce que beaucoup d'êtres humains, parmi les êtres humains, sont tombés dans l'idolâtrie alors qu'ils sont extrêmement intelligents, hein, dans la dunya. Si tu regardes, par exemple, certaines personnes qui adorent des idoles, ou qui adorent des statues, ou qui adorent des prophètes, ou qui adorent des anges, ou qui adorent des croix, ou qui adorent Jésus ou Marie, eh bien, parmi eux, il y en a que c'est des médecins, il y en a parmi eux que c'est des docteurs, il y en a parmi eux que c'est des scientifiques, il y en a parmi eux que c'est des gens extrêmement intelligents, mais leur intelligence ne les a pas protégés de commettre le shirk et d'adorer d'autres que Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la preuve que l'intelligence à elle seule, c'est pas suffisant pour être guidé. Il faut également que Allah t'ait donné la guidance et qu'il t'ait ouvert ton cœur à la vérité. Sinon, même si tu es intelligent, tu vas pas être capable de trouver la vérité par toi-même. Et le cheikh, il dit ici, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, bi nassi al-Qur'an, واتخذ إبراهيم خليلا ومحمد بنص بنص السنة الصحيحة فإنه قال إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. Donc l'imam muslim il a rapporté dans la sunna que le prophète صلى الله عليه وسلم il a mentionné que Allah l'a pris comme un khalil de la même manière qu'il avait pris Ibrahim comme étant un khalil, c'est-à-dire un bien-aimé parmi ses serviteurs. Et par rapport à le fait qu'il avait peur de tomber dans l'idolâtrie, dans l'adoration des idoles, par rapport à Ibrahim, il dit « Ibrahim, alladhi ibtuliya, kama qala ta'ala, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin, fa atammahunna, qala inni ja'iluka linnasi imama. » ولما نجح في الامتحان والابتلاء العظيم قال الله إني جاعلك للناس إماما يعني قدوة عليه الصلاة والسلام ومن أعظم ذلك أنه حرق بالنار ولكن الله سلمه منها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فسلم نفسه واستسلم وألقي في النار في ذات الله عز وجل وما اشتد هذا الامتحان وهو صابر ولا يزيد على قوله حسبنا الله ونعم الوكيل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لكن بعد ماذا بعد الابتلاء العظيم والامتحان. Donc il dit ici par rapport à Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé, comme il mentionne dans le verset 124 dans sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsque Allah a éprouvé Abraham par des paroles, et il les a complétées entièrement. Et ensuite, il lui a dit, je vais certes faire de toi un guide, un exemple, un modèle, un imam. Et lorsqu'il a réussi dans cette grande épreuve et dans ce grand test, eh bien, Allah a fait de lui un modèle à suivre, un exemple pour l'humanité. Et parmi les exemples, de ça par la suite, comment il a été éprouvé, lorsqu'il a détruit les idoles avec sa main, son peuple a voulu se venger de lui et ils ont même essayé de le brûler dans le feu. Et Allah l'a sauvé de ce châtiment-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au feu de devenir frais, hein, pour que Ibrahim ne brûle pas dans ce feu-là. Donc ils ont essayé de le tuer par le feu et ils n'ont pas réussi, comme c'est mentionné dans le verset 69 dans Sourate Al-Anbiya. Donc il a été sauvé, hein, et il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il a été jeté dans le feu et il a été éprouvé pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour sa foi. Et lorsque le test et l'épreuve est devenu très très dur, eh bien, alhamdoulillah, il est resté ferme, il est resté patient et endurant. Et donc, la seule chose qu'il disait comme parole face à ces épreuves, c'est de dire « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». C'est-à-dire « Allah nous suffit hein? ». Allah nous suffit et c'est lui le meilleur garant. C'est lui le meilleur garant. Et il dit ensuite, donc Allah a fait que le feu soit frais pour Ibrahim et qu'il soit saint pour lui, c'est-à-dire qu'il ne lui fasse aucun mal. Et le cheikh a dit, mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite, après cette épreuve? C'est ça ce qu'on va voir. Il dit, « Wa umira bi dhabh ibnihi » « Lamma balagha al-thamanin » « Wama wulida lahu » ثم وهب له الولد على الكبر أراد الله أن يمتحنه في هذا الولد فأمره بذبحه فبادر امتثالا لأمر الله فقدم وقته فأقدم على الأصنام فقدم محبة الله على محبة الولد يعني ما أعظم هذا الامتحان الذي أقدم على الأصنام وكل أهل وقته أهل أصنام وأوثان فكسرها أمامهم وهذا موقف عظيم لا يقوم به إلا الصديقون والخلاصة من الأنبياء وهذا الخليل الذي له هذه المقامة يخاف على نفسه من الشرك فكيف لا يخافه من دون الخليل. Donc le cheikh il dit que Ibrahim alayhi salam, il a été encore éprouvé également par d'autres tests, par Allah. À l'âge de 80 ans, il n'avait pas d'enfant. Et il aurait souhaité en avoir, mais il n'en avait pas eu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un enfant alors qu'il était très âgé déjà. 80 ans, imaginez. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'éprouver encore. Alors, il lui a dit, cet enfant-là que je viens de te donner alors que tu étais âgé, eh bien, tu dois le sacrifier. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala veut voir, est-ce que ton amour pour moi, il est plus grand ou bien l'amour de cet enfant-là? Alors, Ibrahim alayhi salam était tellement sincère dans son amour pour Allah, et son amour d'Allah était tellement plus grand par rapport à l'amour de toute autre chose que il n'a même pas hésité. Et il a placé donc cet enfant-là pour se préparer à le sacrifier pour Allah et à l'égorger. Il a mis son amour d'Allah au-dessus de l'amour de cet enfant. Et à ce moment-là, yani, il a pas, Allah l'a remplacé par le mouton comme on a mentionné tout à l'heure. Donc le cheikh il dit, ça c'est un exemple des épreuves. Donc celui qui a fait tout ça et qui a supporté l'épreuve face aux idolâtres à l'époque, qui adoraient des idoles, alors qu'à cette époque-là, il n'y avait rien d'autre que des idolâtres. Il y a seulement Ibrahim qui était croyant. Il n'y avait personne d'autre avec lui. Et il a enduré tout ça. Et il a cassé les idoles avec sa main devant eux. Qui est capable de supporter ça? Personne, excepté les vrais, les sincères. Parmi les prophètes et les messagers. Et donc cet exemple de Al-Khalil, de ce statut qu'il avait, qui est très élevé auprès d'Allah, et malgré ça, il avait peur de tomber dans le shirk, de faire de l'idolâtrie, d'adorer d'autres que Allah. Alors si lui, il avait peur, qui d'autre peut prétendre qu'il n'a pas peur ou qu'il ne va pas tomber dans le shirk? Le cheikh, il dit, « Ha'oula, alladhina yaquluna an-nas tajawazu marhalat as-sadaja » وتثقفوا وعرفوا وليس عليهم خطر من الشرك هذا من الغرور أو من التغرير إما أنهم مغترون بالجهل وإما أنه من التغرير بالناس وتهوين أمر الشرك عليهم حتى يهتموا به حتى لا يهتموا به. Donc ici le cheikh il explique que il y a des gens à notre époque qui disent non, aujourd'hui pas besoin d'avoir peur pour l'idolâtrie, on a dépassé l'époque de naïveté, l'époque naïve de l'époque quand les gens ils priaient à des statues. Aujourd'hui les gens sont civilisés, sont évolués, donc il n'y a pas besoin de leur parler de ça, ils sont cultivés maintenant, ils savent qu'il n'y a pas de danger, que l'idolâtrie c'est faux et des choses de ce genre. Et pourtant, il y a encore des gens aujourd'hui qui font du shirk et même peut-être plus qu'à l'époque avant. Hein? Les gens adorent des idoles, les gens adorent encore des statues, il y a encore des hindous, il y a encore des bouddhistes, il y a encore des gens parmi les chrétiens encore aujourd'hui qui adorent des statues, des images, des croix. Hein? Et parmi les juifs également qui prient à des saints ou à des tombes ou à leur rabbin ou des trucs comme ça, ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah. Et parmi les musulmans, des gens qui adorent des tombes, qui prient à des saints, qui vont à leur tombe pour leur demander des bénédictions ou des choses de ce genre, et pourtant, ils disent qu'ils sont musulmans. Donc, si les gens étaient arrivés à l'époque, comme ils disent, de l'évolution et qu'ils n'ont plus besoin d'avoir peur de faire le shirk, comment ça se fait qu'ils font encore du shirk? Comment ça se fait qu'il y a encore du shirk dans ce cas-là? Hein? Donc ça veut dire que c'est soit que des gens qui, comme le cheikh dit, c'est soit des gens qui sont eux-mêmes trompés ou qui veulent tromper les gens. Trompés eux-mêmes par leur ignorance ou qui veulent tromper les gens en faisant croire aux gens que le shirk c'est pas grave et qu'ils ne doivent pas s'en préoccuper. Donc ça c'est dangereux. Le cheikh il dit ensuite, hein, il faut savoir donc que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous guider et qui peut nous préserver. Et ce n'est pas par notre propre force ou nos propres moyens qu'on peut être protégé de l'égarement. Et le cheikh, il dit, وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ hein? كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ لَجَأَ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَعْصِمَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَلَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَعِلْمِهِ. Donc il sait tourner vers Allah pour demander sa protection et pour que Allah le protège de l'adoration des idoles. Il ne s'est pas basé sur sa propre force, sa propre connaissance, hein, son propre savoir pour dire « Ah, j'ai pas besoin d'avoir peur, hein, je connais bien le tawhid, j'ai étudié Kitab al-Tawhid au complet, j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths, j'ai pas besoin d'avoir peur de tomber dans le shirk. » Malgré ça, tu dois demander à Allah de te protéger. Malgré ça, tu dois demander à Allah de t'écarter du shirk. Hein? Le shaykh, il dit, وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي وَمَنْ يَأْمَنَ الْبَلَى بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ فَهَذَا أَمْرٌ لَا يَأْمَنْ مِنَ الْوُقُوعِ فِيهِ وَقَدْ وَقَعَ فِيهِ الْأَذْكِيَاءِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ فَاتُّخِذَتْ الْأَوْثَانِ وَعُبِدَتْ فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة وبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها واتخذ ذلك دينا وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزة ومنات وأصنام العرب وغيرهم. Donc le cheikh il dit, et comme il est bel l'exemple de la parole de Ibrahim al-Taymi, hein, un des salafs, lorsqu'il a dit, et qui est en sécurité face au malheur après Ibrahim? C'est-à-dire si Ibrahim lui-même n'était pas sauvé, n'était pas en sécurité face à ce malheur de faire le shirk, alors qui d'entre nous est sauvé? Hein? نعم. Donc il dit le cheikh يعني الامتحان إذا كان إبراهيم عليه السلام خاف من الامتحان فكيف بغيره ممن هو دونه. Donc si lui il avait peur d'être éprouvé, hein, alors tous ceux qui sont moindres que lui doivent eux aussi avoir encore plus peur. Et le cheikh dit ensuite, donc cette chose, personne ne peut être en sécurité vis-à-vis de ce qui a rapport avec le shirk. Il faut toujours demander à Allah de nous en protéger. Et il dit que c'est une chose qui est arrivée même de la part des gens qui étaient intelligents, extrêmement intelligents. Et le cheikh il dit, وَقَعَ فِيهِ الْأَذْكِيَا مِنَ النَّاسِ عِنْدَهُمْ خِبْرَ وَعِنْدَهُمْ مَعْرِفَ وَعِنْدَهُمْ عُلُومِ وَمَعَ هَذَا تَجِدُهُمْ يَأْتِي إِلَى الْقَبْرِ وَيَبْكِي عِنْدَهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَتَضَرَّعُ عِنْدَ الْقَبْرِ يَا سِيدِي Hein? Ya Sidi Fulan, arithni. Ana fi hasbik. Hein? Ana fi diyafatik. Ana wa ana. Hein? وهذا على درجة كبيرة من الثقافة ومن العلم ومن المعرفة لكنه والعياذ بالله لم ينفعه علمه. Donc comme le cheikh il dit, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement intelligents et ils ont de la connaissance et de l'expérience dans la vie et ils connaissent toutes sortes de sciences et malgré tout ils tombent dans le shirk. Ils vont à la tombe d'un homme ou d'un pieux ou d'un saint et ils disent hein, يعني او ان تل او سين ان تل يعني سوف موا اي دون موا سي اي دون موا سا je suis là pour toi, je suis ton invité, je suis ci et ça, alors qu'il possède beaucoup de connaissances, beaucoup de culture personnelle, beaucoup de choses, hein, il sait beaucoup de choses, mais ça ne lui a servi à rien. Même il y a des gens, peut-être même ils ont fait des études soi-disant islamiques, hein, soi-disant islamique, mais ils ne connaissent pas le tawhid. Alors, ils pensent que ce genre de pratique-là, c'est correct. Hein? Hein? Al-tawhid wal-iman. Wa ba'dun nas, yani ma darasu al-tawhid, al-tawhid al-sahih. Yani, mithlu ahl al-kalam, mathalan, yufakkirun anna al-tawhid huwa, yani, mujarrad ithbat tawhid al-rububiyya. Yani, annaka tu'min bi anna Allah واحد وأنه هو الخالق. أنت تؤمن بهذا أنت موحد. وإن كنت تدعو غير الله يعني تتوسل إلى غير الله وتتوسط بالأولياء والصالحين هذا يقولون هذا ليس شركا. يعني يدي صفة الشرك. أنا أبو لهب أبو جهل كان يبخي leurs idoles. Ils disaient, ils adoraient que pour qu'ils les rapprochent un peu plus d'Allah. Mais quand tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Donc ils savent que Allah c'est le Khaliq, que c'est le créateur. Mais ce n'est pas suffisant de savoir que c'est lui le créateur. Il faut également rendre son adoration exclusive. Et de faire en sorte que ce soit seulement lui que tu adores et que tu demandes à personne d'autre que lui. Un jour, j'étais allé aux États-Unis et j'étais dans une communauté là où il y a des musulmans là-bas à New Jersey. Et j'étais dans la mosquée et j'ai rencontré un vieux monsieur qui était d'origine algérienne. Et j'ai été vraiment choqué ce jour-là. Il était venu visiter son fils qui était là-bas à New Jersey. Il travaillait dans une boucherie, je crois. Puis son père était dans la mosquée, on discutait. Puis il m'a dit, ouais, tu sais, en Algérie, il y a des endroits, il y a des awliya qui sont enterrés. Et il m'a dit, si tu vas là-bas, hein, tu vas demander au wali, il y a des gens qui sont partis, ils sont guéris, hein, ça fonctionne. Hein. J'ai dit, A'udhu Billah. J'étais surpris d'entendre ça de sa part parce que, yani, c'est une mosquée là-bas, c'est des mosquées, c'est des gens de la sunna en général qui vont prier là-bas. Et j'imaginais que, puisque son fils était dans cette communauté-là, que à la base, il avait probablement étudié le tawhid et il connaissait ces choses-là. Mais j'ai constaté qu'il n'avait pas compris, yani, subhanallah. Puis de dire ça de cette façon, comme si oui, ça fonctionne, hein, ça marche. Yani, même si ça marche, supposons que il y a une idole des mouchriquins, ok, qui existe sur terre quelque part. Si tu te prosternes devant, elle guérit n'importe quelle maladie, même le cancer. Hein? Imaginez que ça existe comme ça. Et dans ce cas-là, tu sais que si tu vas aller te prosterner devant cette statue, tu vas être guéri automatiquement. Hein? Alors que tu sais que ça c'est du shirk, est-ce que tu vas le faire? Juste pour pouvoir être guéri. Mais après tu vas aller en enfer pour l'éternité. Hein? Donc c'est pour cette raison-là, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala quand il a dit aux anges par rapport à la sorcellerie. Yani, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Yani, comme le verset, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا هُمْ c'est ça. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَلَا تَكْفُرْ. Hein? Donc les anges, les deux anges qui étaient à Babylone, qui disaient aux gens, hein, nous sommes un test pour vous. Hein? Alors ils enseignaient aux gens la sorcellerie, mais ils disaient aux gens, si vous l'apprenez, hein, vous n'allez jamais avoir aucune part dans l'au-delà. Vous n'allez pas aller au paradis. Et donc, on est juste un test pour vous. Alors, ne faites pas de mécréance en apprenant la sorcellerie. Alors, ça, c'est un exemple aussi. Comment le fait que quelque chose marche ou fonctionne, ça ne veut pas dire que ça, c'est quelque chose qui est permis. Hein? Et le fait que quelqu'un, par exemple, se prosternerait à une idole, ou un statut, ou comme certains chrétiens qui m'ont dit l'autre jour, mais il y a des saints, par exemple, dans tel ou tel endroit, hein, si tu vas aller à leur tombe, eh bien, ils font des miracles. Si quelqu'un, il était malade, il est allé à cette tombe, et puis il est guéri. Hein. J'ai dit, ça, c'est pas une preuve. Parce que l'idolâtrie, c'est interdit, peu importe. Et j'ai dit en même temps aussi, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans ces endroits-là pour demander aux saints de les guérir. Et lorsqu'ils le font et qu'ils sont guéris, eh bien, ils s'enfoncent encore plus dans l'idolâtrie par la suite parce qu'ils disent, ah, regarde, ça fonctionne. Donc, ils font encore plus le shirk. Et c'est comme si, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala les punit en exaucant leurs invocations à ce moment-là et à cet endroit-là, parce qu'ils se sont détournés d'Allah, Allah les punit en les écartant encore plus et en les égarant encore plus parce qu'ils ont fermé leurs yeux à la vérité et à l'unicité d'Allah. Et ils se sont obstinés à vouloir faire le shirk. Au lieu de dire, oh Allah, guéris-moi de cette maladie et demander à Allah seul, ils sont allés demander à une créature qui est morte, qui est dans la terre, qui ne peut ni les entendre, ni les sauver, ni les guérir, et qu'ils ne peuvent même pas se sauver eux-mêmes. Hein? Et ils se sont tournés vers des créatures comme ça. Donc ça, c'est des exemples comment des gens parmi les mouchriquines utilisent ça. Alors moi, j'ai dit à ce chrétien qui disait ça, j'ai dit, si c'est le cas, tu penses que ces exemples d'idolâtrie que vous faites, que ça, c'est une preuve, qu'est-ce que vous allez dire à des hindous ou à des bouddhistes qui se prosternent devant des idoles et que quand ils sont malades, ils sont guéris dans ces endroits-là, chez leurs idoles et chez leurs moines et leurs saints. Là, tu sais. Eux, ils font la même chose que vous, puis ils prétendent eux aussi qu'ils sont guéris et qu'ils font des miracles. Est-ce que vous allez dire que c'est, dans ce cas-là, c'est la preuve que qu'est-ce qu'ils font, c'est vrai aussi? Alors ça montre que c'est n'importe quoi. C'est pas quelque chose sur quoi on doit se baser en réalité. Oui, c'est une épreuve, c'est un test. Et c'est comme quelqu'un qui joue à la loterie. Allah, il a interdit la loterie. Et toi, tu joues à la loterie et tu gagnes 2 millions. Là, tu as ton billet à la maison, tu as vu, tu as les numéros. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aller le prendre ou tu vas le laisser? Hein? Maintenant, tu as commis le péché, tu as parié. Et là, tu as gagné après. Est-ce que tu vas dire, bon, je voulais juste voir si j'allais gagner. Maintenant que je sais que j'ai gagné, je vais déchirer le billet, je le mets dans la poubelle. Ou bien, est-ce que tu vas aller prendre l'argent puis tu vas dire, ben, je vais le donner aux pauvres. Hein? Mais tu sais que tu n'auras aucune récompense pour ça parce que l'argent, il n'est pas halal. L'argent, il est haram. Hein? Donc, c'est pour dire, Yanni, comment les gens, parfois, ils se mettent dans la fitna. Ils se mettent eux-mêmes dans l'épreuve et dans la tentation. Puis après, ils essaient de trouver des explications pour justifier qu'est-ce qu'ils font qui est contraire à la vérité. Donc, le fait que ça fonctionne, le shirk, soi-disant, comme ils disent, que ce serait une justification. Non, ce n'est pas une justification. Ça ne prouve rien. Hein. Et des fois, c'est ça. C'est une coïncidence. Tu as fait une invocation, Allah t'a exaucé. Et puis, parce que toi, tu t'es détourné d'Allah, Allah il t'a puni en faisant en sorte justement que quand tu as fait du shirk, il t'a exaucé à cet endroit-là. Toi, tu penses que c'est les idoles. Et donc, tu t'égares encore plus dans l'égarement. Ensuite, où est-ce qu'on était rendu? Le cheikh, il dit... Donc, c'est ça. Beaucoup de gens intelligents, ils tombent dans ces égarements-là, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y avait Tariq Ramadan, à un moment donné, qui disait ça. Ça, il l'a pris de Sayyid Qutb. Ça vient de Sayyid Qutb dans son tafsir Fidilal al-Qur'an, quand il parle d'Ibrahim alayhi salam et du shirk qu'il faisait. Il disait ça l'idolâtrie là, et les idoles, ça c'est le shirk al-qadim, c'est l'ancien shirk. Hein? Le shirk naïf, innocent des idolâtres primitifs. C'est un shirk primitif. C'est comme ça qu'il dit. Hein? Alors qu'il dit aujourd'hui, le shirk c'est devenu autre. Il dit le shirk des grandes marques. Le shirk, il dit aujourd'hui, détruire les idoles. À l'époque, c'était des statues que Ibrahim brisait. Aujourd'hui, il faut briser Coca-Cola. Il faut briser les grosses marques. Il faut briser des trucs comme ça. Quand j'écoutais ce qu'il racontait, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit n'importe quoi. Coca-Cola, ok, c'est pas bon pour la santé, mais est-ce que c'est une idole? Et est-ce que c'est du shirk? De boire du Coca-Cola, c'est pas du shirk? D'avoir une belle voiture et d'acheter des belles marques. Ok, d'accord, peut-être ça tombe dans l'exagération ou dans l'excès ou dans l'extravagance. Mais est-ce que ça rentre dans le shirk? Ça a pas rapport avec le shirk. Hein? Donc, de casser les grandes marques, de casser les belles voitures, de casser les beaux vêtements. Est-ce que c'est ça que l'islam nous ordonne? Non. Donc, de mélanger la religion comme ça pour dire ça, avant c'était ça, maintenant c'est plus ça. Déjà, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, ces gens-là, ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est le tawhid, donc ils n'ont pas compris non plus que c'est le shirk. Hein? Et ils essaient de l'interpréter de d'autres façons pour rendre leur discours un peu plus comme les discours des communistes socialistes qui sont contre l'économie de marché, puis contre les multinationales, puis tout ça. Hein? Ils veulent mélanger leur discours avec ça, puis essayer de faire rentrer l'interprétation du shirk avec justement ces idées socialistes mélangées là. Donc tout ça, ça n'a rien à voir, et c'est la preuve non seulement de leur ignorance, mais aussi de leur déviation par rapport à la compréhension correcte de l'islam. Donc ensuite, le cheikh il dit. Il y en a sur mon site, j'ai même un texte que j'avais écrit sur ce sujet-là. Il y en a par rapport à ces fausses interprétations du tawhid et du shirk chez ces individus-là. Le cheikh il dit ensuite, فَهَذَا أَمْرٌ لَا يَأْمَنُ مِنَ الْوُقُعِ فِيهِ وَقَدْ وَقَعَ فِيهِ الْأَذْكِيَةِ وَمِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ. De même que dans cette umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui sont tombés dans le shirk après les trois premières meilleures générations. Hein? Et il dit, ils ont pris des idoles, hein? Et ils les ont adorées en dehors d'Allah. Alors que Ibrahim, alayhi salam, lui-même, il craignait pour lui et pour ses enfants. Et il dit qu'on voit que dans cette nation, cette umma de l'islam, après les trois premiers siècles, les trois meilleurs premiers siècles, des gens ont commencé à construire des mausolées et des mosquées sur les tombes des hommes pieux. Hein? Quand il y a un homme pieux qui meurt, hein, ils disent « Ah, oh, lui, c'était un grand saint, un homme très, très vertueux. » Donc, pour l'honorer et honorer sa mémoire, hein, on va construire sur sa tombe une mosquée. Yani, subhanallah. Au lieu de dire, par exemple... on va suivre son exemple et on va c'est ouvrir une école pour enseigner le Coran ou faire quelque chose, ou même ouvrir une mosquée avec son nom, par exemple. On dit, on va faire une mosquée, on va donner à cette mosquée ce nom-là. Ou bien, à la limite, si lui, le cheikh, il avait laissé de l'argent, s'il avait un héritage, puis qu'il a voulu qu'on prenne de son argent pour construire quelque chose, une mosquée ou une école, on peut la construire, mais pas sur sa tombe. Hein? On n'a pas le droit de construire rien sur les tombes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de construire quoi que ce soit sur les tombes. Et il a dit de ne rien bâtir, de ne rien construire et de niveler, hein, les tombes pour qu'elles soient au niveau de la terre, au niveau du sol. Et de ne rien écrire sur les tombes non plus. Donc tout ça, ce que les gens font aujourd'hui dans les tombes, là, et avec les cimetières, avec les dômes, ils font des mausolées, ils font des dômes, et ils construisent ça, qu'est-ce qu'on appelle Al-Qubba. Al-Qubba. Ou Al-Darih. Ils font comme un genre de un petit monument par-dessus la tombe. Tout ça, c'est des exemples d'innovation. Hein. Ouais, c'est-à-dire que des fois, la mosquée, elle est construite à côté, mais disons que dans la tombe, elle est dans l'enceinte de la mosquée, à l'intérieur de l'enceinte de la mosquée. C'est-à-dire que c'est pas séparé complètement. Hein? C'est à l'intérieur. Des fois, c'est dans la mosquée même. Et des fois, c'est à côté de la mosquée. Mais encore à l'intérieur de l'enceinte de la mosquée, c'est-à-dire il y a une clôture à l'intérieur de la mosquée, puis entre la mosquée et la clôture, il y a la tombe. Hein? Donc ça, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est quand même considéré comme étant dans la mosquée. Ben, en principe, les musulmans, quand ils vont se recueillir, par exemple, dans les cimetières pour faire des doigts pour les morts, hein, on fait un doigt général pour les musulmans qui sont enterrés dans le cimetière. Assalamu alaykum ahl al-diyar, min al-muslimina wal-mu'minin, wa inna insha'Allah bikum lahiqun, nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Ça, c'est le doigt qu'on fait pour quand on visite les cimetières. Donc, on fait le doigt général, mais on peut aussi faire un doigt spécifique pour nos proches, si on veut. Et en général, même si on n'a pas le nom écrit de la personne, mais on sait à quel endroit à peu près il était enterré. Donc, on peut aller à cet endroit-là. Mais l'important, ce n'est pas savoir où exactement il est de toute façon, parce qu'il est mort. Même si tu vas à l'endroit où il est enterré ou non. De toute façon, malheureusement, à notre époque, les gens, ils ont contredit la sunna et ils écrivent quand même des choses sur le... Oui, avec du marbre et avec des ils font les gravures là et tout. Et il y en a même qui font plus que ça. Rien écrire, rien dessiner, rien tout. La seule chose qu'il doit y avoir sur la tombe, c'est la terre qu'on a pris pour quand on a creusé le trou, on remet la terre par-dessus. Il est permis de mettre une roche au bout, au pied et à la tête pour savoir que la limite, où est-ce qu'elle commence la tombe et où est-ce qu'elle termine, parce qu'on n'a pas le droit de marcher par-dessus. Donc on fait une petite butte de terre par-dessus pour que les gens sachent qu'il y a une tombe à cet endroit-là, puis on met la pierre pour qu'on sache la limite où est-ce qu'elle est la tête et les pieds pour pas marcher par-dessus. C'est-à-dire, c'est des roches en général qui sont par terre autour dans le cimetière. On prend les roches qui sont là-bas, puis on le met une là, comme ça. Non, on ne doit rien écrire. La sunna, c'est rien écrire. Il y en a qui mettent de la chaux sur les tombes pour que ce soit blanc. Il y en a qui construisent des petits bâtiments, des petits trucs, des darih ou bien des choses comme ça. Mais tout ça, c'est contraire à la sunna, yani. Et quand tu regardes les hadiths à ce sujet, tu vois ça clairement. Hein? naha an yuktab alayha wa an. Même on n'a pas le droit de mettre de l'électricité ou des éclairages dans le cimetière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de mettre des bougies ou des chandelles ou des choses comme ça. Et les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire? De venir avec des fleurs pour laisser sur la tombe. Ça aussi, ça ne fait pas partie de la sunna dans l'islam. De mettre des fleurs pour les morts. Oui, ça fait partie des imitations des chrétiens et des juifs là. Donc, nous, on n'a pas le droit de faire ça non plus. Il y avait une fatwa là, il y avait des fatwas sur ce sujet-là. Mais bon, si tu vas dans les cimetières aujourd'hui, là, tu vas voir les innovations dans certains pays. Il y a des pays où les tombes sont selon la sunna, comme par exemple en Arabie Saoudite, tu trouves pas de rien écrit sur les tombes. C'est les morts sont enterrés dans la terre, puis c'est fini. Et tu vas voir, par exemple, le roi, il est enterré là, et tu peux pas distinguer, est-ce que ça c'est la tombe du roi ou la tombe marchand au coin de la rue, ou bien la tombe du boulanger, tout le monde égal. Hein? Parce que après la mort, tout le monde est égal. Il n'y a pas de raison de faire une tombe immense pour le roi, puis une tombe petite pour quelqu'un qui est ordinaire, musulman ordinaire. Non, tout le monde doit être égal dans la mort. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été enterré à l'endroit où il est mort. Et l'endroit où il était mort, c'était dans la maison de Aïcha. Et il y avait Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui avait mentionné que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les prophètes sont enterrés là où ils meurent. Donc les musulmans l'ont enterré dans son appartement, là où il habitait. Mais à cette époque-là, l'appartement était collé avec la mosquée. C'était à côté de la mosquée. Alors le mur de la mosquée était là, hein, puis il y avait la maison à l'extérieur. Après, quand ils ont fait l'agrandissement, ils ont détruit le mur, puis ils l'ont agrandi, mais ils ont gardé l'appartement à cet endroit-là. Donc, il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, quand ils viennent à la mosquée à Médine, ils trouvent la tombe à l'intérieur de la mosquée. Ils pensent que c'était comme ça à l'époque. Et ils pensent que ça, c'est la preuve que c'est permis que la tombe soit dans la mosquée. Alors qu'en réalité, la tombe, elle n'est pas dans la mosquée, elle est dans l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était à cet endroit-là. Et les premières générations des musulmans, ils ne voulaient pas faire l'agrandissement vers l'est. Justement pour éviter que la tombe soit incluse dans la mosquée. Sauf que après il y a d'autres dirigeants qui sont venus et eux ils ont dit bon on va faire l'agrandissement vers l'est et donc c'est comme ça que la mosquée a inclus l'appartement à l'intérieur. Mais ils l'ont bloqué avec une clôture pour empêcher que les gens puissent commencer à tourner autour. Ou bien disons commencer à essayer de prier parce qu'il y a des gens qui veulent prier à la tombe. Parmi les gens musulmans qui n'ont pas compris l'islam comme il faut, il y en a qui ont beaucoup d'ignorance et ils pensent que de prier au prophète c'est correct, hein? Donc ça c'est des exemples de shirk que certains musulmans font parfois malheureusement. Non, mais c'est à dire que quand on prie devant la, c'est à dire si tu pries dans la mosquée et que ça arrive que tu es dans un endroit où la maison est en avant de toi, ça ne dérange pas parce que, étant donné que la tombe, elle est entourée par les murs. Donc, c'est pas comme si tu priais à la tombe. Oui, mais sinon, prier dans les cimetières, c'est interdit. Et prier devant les tombes, c'est pas permis non plus. Non. Même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne faites pas que vos maisons deviennent comme des cimetières. C'est-à-dire, priez dans vos maisons aussi. Donc, c'est-à-dire, quand tu finis la prière obligatoire à la mosquée, quand tu rentres chez toi, tu fais la prière surérogatoire. Tu fais des prières surérogatoires chez toi aussi, pour pas que ta maison devienne comme un cimetière. Hein? Ensuite, le cheikh, il explique que donc, Ibrahim, alayhi salam, il avait peur pour lui-même. Hein? Comme j'ai dit, il y a beaucoup de musulmans par la suite, après les trois premiers, les meilleures générations, qui sont tombés dans des exemples de shirk et qui ont construit des mosquées sur les tombes, hein, et des mausolées, et des dômes et tout. Et ils ont commencé à leur offrir des adorations, des formes d'adoration, et des prières, et des doigts, et des invocations. Et même, il y en a qui font le tawaf autour des tombes. Tawaf, ça veut dire ils vont, puis ils tournent autour. Hein? Ça, c'est juste permis de le faire à la Mecque, autour de la mosquée sacrée que Abraham a construit. C'est le seul endroit où on a le droit de faire le tawaf, c'est-à-dire de tourner. On fait 7 tours. Mais autre que la mosquée sacrée de la Mecque, on n'a pas le droit de faire le tawaf. Et eux, ils le font, mais autour des tombes. Ça, c'est encore plus grave. Hein? Ça, c'est des exemples de shirk. Et même, il y en a qui font des sacrifices d'animaux, des offrandes à la tombe et des choses comme ça. Donc ça, c'est très dangereux. Et ils ont pris ça comme religion. Et le cheikh, il dit, ces tombes-là deviennent donc comme des idoles. La même manière que les gens, les peuples de Noé, Nuh, alayhi salam, ils ont commencé à adorer des idoles de cette façon-là. Et la même chose avec les idoles que les Arabes adoraient avant l'islam, comme Al-Lat et Al-Uzza et Manat, et d'autres également parmi les idoles, que des Arabes et des idoles des autres, des non-Arabes aussi. Et donc le cheikh, il explique à ce sujet-là, il dit, حدث في هذه الأمة بعد القرون المفضلة الشرك الأكبر حينما استولى الفاطميون الشيعة على بلاد الإسلامية وبنوا الأضرحة على القبور وصار ذلك سببا في عبادة القبور من دون الله عز وجل وحينما ظهرت الصوفية المستجلبة من صوفية الهند أو من صوفية النصارى عندها حدثت الصوفية في المسلمين وعبدت القبور من دون الله عز وجل واعتقدوا في الأولياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون. Donc il dit le cheikh que après les meilleures générations de cette umma, les trois premières, il y a du shirk majeur qui s'est introduit dans cette umma. Lorsque les Shia, qu'on appelle, il y a une dynastie qui a régné en Égypte à un certain moment donné, et on les appelle les Fatimiyoun, l'empire fatimide. Eux, ils ont dirigé en Égypte, puis au Yémen, il y avait Al-Ubaydiyoun. Ils ont même régné au nord de l'Afrique aussi, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Yémen, même la Mecque et Médine, et même l'Irak, et une grande partie des pays musulmans à l'époque étaient contrôlés par les Shia al-Fatimiyoun, qui sont en réalité des Ismaélites. Hein? C'est une des sectes parmi les sectes des Shia qu'on appelle les Ismaéliyas, qui sont des Batiniyas, exactement, qui font partie des Batiniyoun. Et c'est eux qui ont introduit dans la Umma l'adoration des tombes. Et le fait de construire sur les tombeaux des mausolées, des dômes et tout ce genre de choses-là, c'est eux qui ont introduit ça dans la Umma de l'islam. C'est avant l'Empire, très longtemps avant l'Empire ottoman. Celui qui les a chassés de ces pays-là, c'était Salah ad-Din Ayyubi. Avant de faire la guerre contre les chrétiens, il a commencé par eux. Hein? Il a commencé par eux. Il les a combattus, il les a éliminés. Une fois qu'il a fini de les éliminer, là, il s'est tourné vers les chrétiens qui faisaient les croisades, et il les a également éliminés eux aussi. Oui, Al-Aqsa, parce qu'ils étaient venus pour prendre les Terres Saintes. Hein? Et donc, Salah ad-Din, il est venu, puis il a repris les Terres Saintes des chrétiens à l'époque. Donc tout ça pour dire, yani, comment ces gens-là sont venus et ils ont introduit parmi les musulmans des pratiques opposées à l'islam, opposées au tawhid. Et il mentionne également qu'il y a également eu l'apparition des soufis. Les soufis, une secte parmi les musulmans qu'on appelle les soufis. Et eux, les soufis sont divisés en différentes confrérie, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et ils ont été inspirés en grande partie des spiritualités qui existent en Inde et qui existent aussi chez les bouddhistes et chez les chrétiens. Et ils se sont inspirés de leur philosophie, puis ils ont essayé d'interpréter ça avec l'islam. C'est ce qui a fait que parmi les musulmans, on a vu apparaître ces groupes qu'on appelle soufis aujourd'hui. Puis également, l'adoration des tombes a été introduite aussi par ces gens-là. Eux, ils ont propagé ça parmi beaucoup de pays musulmans. Parce que les chiites, eux, ils ont fait ça avec les tombes de leurs imams, soi-disant les descendants de Ali. Ils les ont adorés en dehors d'Allah et ils ont construit sur leur tombe des oratoires et des mausolées et ils font leur pèlerinage là-bas. Les soufis, eux, ils ont élargi ça pour que ce soit également tous les awliyas des turuq soufia qui soient inclus là-dedans. Donc tous les shuyukh, ceux qui ont fondé les turuq, ils les ont introduits là-dedans, puis ils leur font des mausolées, des mosquées, et chaque année, ils font leur célébration, et ils font des pèlerinages à leur tombe, à ces endroits-là, et ils croient que ces awliyas, soi-disant ces saints, ils ont le pouvoir de profiter les gens ou de leur faire du tort. Donc, ils leur offrent un culte en dehors d'Allah. Ça, c'est de l'idolâtrie pure. Et donc, c'est ça que le cheikh, il mentionne ici. Puis, il dit, c'est devenu par la suite une religion. Le cheikh, il dit, فَالْبِنَاءَ عَلَى الْقُبُورِ سَبَبٌ لِلشِّرْكِ فَلِذَلِكَ يُنْهَى عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ وَيُؤْمَرُ بِهَدْمِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن عمه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد قال له لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته والمشرف يعني هو المرتفع إلا سويته يعني أزلت ارتفاعه لأن بقاءه مرتفعا سبب للشرك به ولا صورة إلا طمستها يعني لأن الصور إذا علقت ونصبت فهذا سبب لعبادتها من دون الله كما حصل في قوم نوح. Donc le cheikh il dit que le fait de construire des choses, des monuments ou des bâtiments sur les tombeaux, ça c'est des causes pour le shirk, des choses qui amènent les gens à tomber dans l'idolâtrie. Et c'est pour ça qu'on a été interdit dans l'islam de bâtir quoi que ce soit sur les tombes. Et on a été même ordonné de détruire tout ce qui a été construit sur les tombes. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné à son neveu, plutôt son cousin, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui était le troisième, les quatrièmes parmi les khulafa, le quatrième khalifa de l'islam, il lui avait dit, avant sa mort, il lui a dit, pars, je t'envoie dans cette mission, tu dois ne laisser aucune tombe surélevée, excepté que tu la nivelles. C'est-à-dire surélever tous les tombeaux qui sont bâtis ou qui sont construits en hauteur, de le niveler au niveau du sol. Et également, toute image ou statue, tu ne dois pas la laisser sans la détruire. Donc, toute image ou toute statue qui est érigé, de la détruire. Donc, il est parti avec un groupe de sahaba, puis ils sont allés, et chaque fois qu'ils trouvaient une tombe surélevée, ils la détruisaient. Donc ça fait partie de l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Ali, radiyallahu anhu, il mentionnait ça. Il mentionnait ce hadith-là, et ça fait partie des ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, c'est important que les musulmans se rappellent de ce hadith et se rappellent de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ces choses-là. Après, le cheikh il dit, par rapport à qu'est-ce qu'il mentionne au sujet des idoles, il dit que l'idolâtrie et l'adoration des tombes, c'est comparable à qu'est-ce que le peuple de Nuh alayhi salam avait fait à l'époque quand ils ont adoré les statues, yani Wad wa Suwa' wa Yaghouth wa Ya'ouq wa Nasr. C'était cinq parmi les hommes pieux qui vivaient parmi eux. Et quand ils sont morts, le shaitan leur a fait croire qu'il y avait du bien en faisant leur statue, leur image. Ils allaient se rappeler de leur piété et essayer de les imiter et suivre leur exemple. Alors après un certain temps, quand ils ont oublié la science, ils ont commencé à les adorer, hein, et à les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah. Et c'est comme ça que le shirk est rentré dans leur umma. Et Nuh alayhi salam, il est venu pour combattre ce shirk, hein. Et le shaykh, il explique ensuite, il dit فَمَا أَشْبَهَ مَا وَقَعَ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِحَالِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَةِ مِنْ مُشْرِكِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ. Donc il dit, comme il y a une grande ressemblance entre ce qui est arrivé, hein, chez les musulmans de la fin de cette umma, quand on compare avec l'état des arabes dans la jahiliya avant l'islam, parmi les arabes qui adoraient des idoles, il y a des grandes ressemblances entre les deux situations et entre les deux croyances. Et il dit, le cheikh Al-Fawzan ici, il dit, بَلْ هُوَ أَشَدُّ مِمَّا وَقَعَدْ فِيهِ الْجَاهِلِيَّةِ بَلَغَ الشِّرْكُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ أشد مما وقع في الجاهلية لأن أهل الجاهلية يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة أما مشركو هذا الزمان فإنهم يشركون في الرخاء والشدة بل يزيد شركهم في الشدة على شركهم في الرخاء فإذا وقعوا في شدة ارتفعت أصواتهم بمنادات الموتى وَلِسْتِغَاثَةِ بِهِمْ لِيُنْقِذُوهُمْ مِمَّا وَقَعُوا فِيهِ. Donc ici le cheikh il dit que même que en réalité le shirk qui se produit à notre époque chez des gens qui prétendent ou qui se disent appartenir à l'islam et faire partie des musulmans, eh bien leur idolâtrie et leur shirk, il est parfois même pire que le shirk que les gens faisaient dans la jahiliya avant l'islam. La raison de ça, c'est parce que comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. C'est-à-dire que les mushrikoun de l'époque, avant l'islam, quand ils allaient sur le bateau, hein, ils avaient peur, ils appelaient Allah seul. Puis quand ils retournaient sur la terre ferme, eh bien, ils retournaient à l'idolâtrie. Tandis que les gens d'aujourd'hui qui font partie de la Ummah et qui se disent musulmans, ils font du shirk, que ce soit dans les moments d'aisance ou dans les moments de difficulté, dans les deux cas. Hein? Donc c'est encore pire. Hein? C'est encore pire dans ce sens-là. Quand ils ont un malheur, là, ils font encore plus de shirk. Alors que les mushrikoun, quand ils avaient un malheur, ils appelaient seulement Allah. Et le cheikh, il dit aussi, بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإلهية من شركهم في الربوبية ما يطول عده فذكر عليه الصلاة والسلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. Donc, le cheikh, il dit, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont produites comme shirk, qui sont encore plus pires et qui sont longues à expliquer si on veut rentrer dans les détails de ça. Et le cheikh, il dit par rapport à ça que c'est pour ça qu'il a mentionné donc que la raison pourquoi il avait peur de l'idolâtrie, c'est parce que elles ont égaré beaucoup d'hommes. Les idoles ont égaré beaucoup parmi les hommes. Donc, Ibrahim, alayhi salam, malgré son statut, malgré sa piété, il avait peur de tomber dans l'idolâtrie. Malgré ça, il demande à Allah de l'écarter, lui ainsi que ses enfants, de l'adoration des idoles. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera ça au prochain cours. Bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et le cours, le prochain cours de Kitab al-Tawhid, ce sera samedi, je pense. Hein? Si je regarde bien sur le programme, je pense que c'est samedi. Samedi, ouais. Donc, samedi prochain, Inch'Allah, on continuera la suite. D'accord? Alhamdulillah.